L'alcool quand je rote, la clope c'est qu'un dos. Je regrette l'époque du rock, mes couplets d'un dos. Seul dans ma coffre, tu rentres dans le couple McDo. Hey. Je me sens si petit à l'espace, je file vite, je te laisse place. La vie se rappelle, je me fous de la vue sur la mer, j'ai la vue sur la terre depuis le fil de l'espace. Je lui dis qu'essaye de recoller son cœur. Faut que les honneurs, on vient de loin, les yeux collés c'est mieux. Apaisé comme ce cancéreux qui connaît son heure. Il me jalouserait moins s'il me connaissait mieux. Le seum, le compte et le sol, t'es seul, le monde est le sun. Mes hommes ont goûté le sol, mais je crois pas qu'on est les seuls, tes sœurs à compter les heures. Heureusement qu'on est patient, sinon je serais taille. Solo dans mon studio, je passe 6 heures sur un détail. Ouais, ramenez-moi la médaille, que je vous la rende dans la nuit. Je me sens plus grand dans la nuit, je raconte mes histoires aux étoiles. Protéger mes frères, tes fils de, je ferai jamais de petits dunes. Solo sur la piste, je sais pas danser, non je titule. Solo, je fais la diff, faites-moi mal, j'ai l'habitude. Je me soigne avec ma bite, sur cette vie dure, je résiste. La place passager transformée en bar mobile. Sans que j'ai pas de mobile, je les regarde jouer les Al Capone, nous on parle pas de nos vices. Je sais quoi, ces PD sont capables, donc bébé, je me la capote. Il faut que j'ai pas mon fils. Ils jouent les gros. Et pour rester noyé dans un bain de bouche. Depuis 4 ans, je mate le cadran, je perds du temps, je bouge. Je tourne, faut tous mes frères dans le film. Je préfère errer dans le vide plutôt qu'attendre sur un banc de touche. Par où est-ce que les vrais mentent? Je vois mon père seul et mes frères manquent. Moi je veux ma part, mais sans mêle d'effraiement. Si tout le monde se sent à part, c'est que personne l'est vraiment. Faites plus les stars, on a crié les bouches pleines. Je fais plus du rap, c'est que du feeling, t'es bootleg. Remercie-moi plus mes faces, me délivre, je suis un bouche peine. Je finirai peut-être plus mes phrases, mais je finirai la bouteille. Ouais, ils savent que je suis meilleur qu'eux, ils veulent que je perde, je m'en bats les couilles. Le ciel plus vieux, c'est souvent que je me perds, j'apprends des cours. Je sais que mes frères avant c'est cool. J'ai eu bac plus deux, je me souviens que de mon père avant les cours. Je suis dans ma petite matrice, je mène ma vie d'actrice. Fuck la gloire, moi je veux la paix, zapper mes cicatrices. Oh, je vois des actrices, je veux pas ta vie d'artiste. Mais puis en bas, ma tête en bas, mon cœur en psychiatrie. Faut que vos fils de porc, oui, tout le monde vise le dollar. La merde nous a élevés, on se contente de ce qu'on prend pas de banane. Je traîne avec des fils de prof, avec des fils de dollars. Vrai reconnaissent vrai, on se comprend quand se montrant nos palaves. Je dis bien si je reste ivre, je me bats pas pour le prestige. Je rappe en enfer, dis ce que je pourrais faire sans festif. Ici nos drames nous enferment, je me suis bourré jusqu'à faire ce titre. Mais on pourra toujours faire mieux, vous pourrez toujours faire style. J'ai jamais grandi, j'ai le sommet la sagesse depuis toujours. La pente est glissante, nique sa mère, j'y vais toujours. Ils étaient toujours nus, ils écoutent aujourd'hui. Ils apprennent aujourd'hui ce qu'on savait depuis Poutchou. Je rentre le ventre vide. On a vécu mais sans trop vivre. J'ai connu la campagne, un petit check c'est le centre-ville. Rien à faire, je me sens à part, je me sens pisse que dans le vide. Pas de Naruto, fuck les contes, les légendes. Yeah, yeah. Si la route tourne pas, ça sera sur les jantes. La merde autour, je fais tout, je rince sur mes jambes. Si la roue tourne pas, ça sera sur les jantes. Sur les jantes. Pas de Naruto, fuck les contes, les légendes. Fuck les légendes. Je fais tout, je râle.